Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sciences Publiques s'inscrit dans la série des émissions de Culture Science consacrées tout au long de cette semaine au thème du nucléaire à l'occasion des 70 ans du CEA. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Le nucléaire est-il compatible avec les énergies renouvelables ? Le recours massif à l'énergie nucléaire reste l'une des particularités de la France. En 2014, 77% de l'électricité produite était d'origine nucléaire. La France se situe ainsi largement en tête au niveau mondial dans ce domaine. Seuls les États-Unis la dépassent en production d'électricité nucléaire, mais avec une part du nucléaire réduite à 19%. Or, le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie renouvelable. Il utilise de l'uranium, dont les réserves mondiales sont estimées entre 1 et 2 siècles de consommation actuelle. Sans parler des risques concernant la sûreté des centrales, réévaluées après l'accident de Fukushima en 2011, et des problèmes engendrés par les déchets nucléaires et le démantèlement des centrales. Pour autant, en France, le nucléaire a longtemps fait figure de ressources incontournables. La présence de 58 réacteurs sur le sol français et cette part de 77% de la production électrique rendent en effet difficile d'imaginer que nous puissions nous passer du nucléaire. Pourtant, un rapport publié officiellement hier, 22 octobre 2015, par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME, envisage la possibilité d'une production d'électricité 100% renouvelable dès 2050. Suivant ce scénario, la production d'électricité en France serait alors obtenue grâce à 63% d'éolien, 17% de solaire, 13% d'hydraulique et 7% de géothermie et de thermique renouvelable. La publication officielle de ce rapport, prêt dès le mois d'avril 2015, en plein débat sur la loi sur la transition énergétique, a été retardée jusqu'à hier, signe sans doute qu'il dérange. L'abandon du nucléaire en 35 ans serait en effet une véritable révolution pour la France. Le rapport de l'ADEME est le premier à oser l'imaginer officiellement, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour qu'un tel scénario puisse devenir réalité. L'ère du nucléaire en France sera-t-elle limitée à environ un siècle ? Le développement des énergies renouvelables va-t-il s'accélérer au cours des prochaines décennies malgré la présence de ces 58 réacteurs nucléaires ? Nous allons en débattre aujourd'hui dans Sciences Publiques avec nos invités. Nous recevons en effet en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Jean-François Gruson, directeur expert à IFP Énergie Nouvelle, Valérie Faudon, délégué général de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, Mathieu Glachand, directeur du Centre d'économie industrielle, le CERNA, spécialiste de l'économie des énergies renouvelables, et Damien Siès, directeur adjoint du service production et énergie durable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Je vous propose, pour commencer cette émission, un premier tour de table au sujet de ce rapport de l'ADEME qui fait l'actualité aujourd'hui. Damien Siès, bonjour. Bonjour. Vous faites donc cette actualité avec cette étude qui envisage une production d'électricité 100% verte en France. Pensez-vous qu'il s'agisse tout d'abord d'une révolution intellectuelle pour un pays qui a autant misé sur le nucléaire ? Probablement. Au sens où, effectivement, le fait même que la question se pose semble être, comme vous le disiez dans votre introduction, un acte qui fait parler. Je voudrais juste rappeler que, par exemple, les États-Unis, qui ont aussi effectivement beaucoup de réacteurs nucléaires, ont mené il y a quelques années un exercice équivalent, une électricité 100% renouvelable, et que ça n'a pas spécialement fait parler. Notre but à l'ADEME est de purement poser les débats techniques, c'est-à-dire éclairer le débat avec des éléments techniques. Aujourd'hui, on entend assez régulièrement dans le débat sur la part des renouvelables dans l'électricité, on n'arrivera jamais à ne s'appuyer que sur les renouvelables, on n'arrivera jamais à faire 100%, donc faudrait peut-être freiner la machine tout de suite. Nous, ce qu'on a voulu regarder, étudier, c'est qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'au bout, jusqu'à 100%, mais c'est pas en tant que tel non plus un scénario disant il faut absolument le faire, à quelle date, etc. Mais en tout cas, ça dit qu'il faut arrêter de se dire que après-demain, on pourra pas y arriver, donc ne faisons rien aujourd'hui. Oui, c'était quand même un peu, effectivement, le climat dans lequel on était, de cette impossibilité déjà technique. Mm-hmm. Ensuite, il y a d'autres facteurs économiques et autres, mais effectivement, c'est intéressant donc d'avoir envisagé cette hypothèse. Mathieu Glachan, bonjour, vous êtes en duplex depuis France Bleu Isère, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, bonjour. Bonjour. Donc, que vous inspire ce scénario de l'ADEME pour démarrer ce débat avec ce mix énergétique 100% d'énergie renouvelable en 2050 ? Écoutez, je crois que l'intérêt majeur de ce travail, c'est de stimuler la discussion. D'ailleurs, on commence l'émission par parler de ça. Par ailleurs, il ne faut pas y voir trop de signal politique de mon point de vue. L'ADEME a déjà produit de nombreux scénarios et de nombreux scénarios avec des parts de renouvelables nettement inférieures. C'est un élément qui permet de stimuler la discussion et de voir d'ailleurs que la question technique est réglée, la question économique ne l'est pas, et puis de nouvelles questions d'acceptabilité du déploiement des énergies renouvelables sont aussi posées dans ce rapport, qui par ailleurs est un travail sérieux de mon point de vue. Très bien, mais on va évidemment y revenir un peu plus en détail, mais ça c'est un premier tour de table. Valérie Faudon, donc bonjour. Bonjour. Alors, même question pour vous, quelle réaction à ce rapport de l'ADEME ? En fait, on s'est d'abord posé la question de la pertinence, parce qu'on n'arrête pas d'opposer nucléaire et renouvelable, en particulier en France, alors qu'en particulier en France, ce n'est pas le sujet. Puisqu'en France, l'électricité est déjà décarbonée à 95%. On a déjà atteint les objectifs fixés par le GIEC pour 2050, donc avec 35 ans d'avance. Donc le sujet en France, pour faire progresser la France au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre, ce sont les consommations d'énergie fossile qui sont aujourd'hui principalement dans les transports et la chaleur. Alors, je crois que c'est 5% à peu près d'électricité actuelle. Oui, exactement. Hein, et on n'ira pas vraiment plus loin puisqu'on a besoin d'un minimum d'énergie fossile pour gérer la pointe. Hein. Bon, là, c'est un petit peu technique. Ce qui nous gêne dans ce scénario et dans beaucoup de scénarios similaires, c'est que ça laisse penser qu'on n'a pas besoin des autres solutions pour régler le problème du climat. On a l'impression que c'est facile. Or, les enjeux climatiques sont des enjeux énormes, gigantesques. C'est un challenge énorme. Je pense qu'on y reviendra dans la discussion. En même temps, le nucléaire n'a pas été développé pour des raisons climatiques. Exactement. Mais il se trouve que c'est une des solutions, comme d'autres, bien sûr, à la question climatique. Donc, ça laisse penser qu'on n'a pas besoin des autres solutions et qu'on peut tout miser sur un nombre très restreint de solutions. Et pour nous, ça, c'est dangereux. Parce que ça évite d'avoir à développer un portefeuille de solutions bas carbone, qui est le portefeuille dont nous avons besoin pour ce challenge. On y reviendra bien entendu. Jean-François Gruson, bonjour. Bonjour. Alors, même question, quelle réaction ? Alors je dirais, je serai assez sur la ligne de Mathieu Glachan, c'est un exercice de prospective, donc il ne faut pas le prendre comme une prévision, une prédiction ou même des recommandations de politique publique. C'est un exercice de prospective. De ce point de vue-là, il est intéressant. Après, il faut aller regarder dans le détail comment il est fait, comment il a été construit, quelles sont les hypothèses qui sont sous-jacentes. Bon, par exemple, on parle d'un système qui est un peu isolé, finalement, la France. Si tous les pays d'Europe avaient le même système, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait ? Bon, ce type de questions mérite d'être posé. Mais c'est un exercice de prospective qui permet de lancer un débat. Très bien, on va quand même approfondir un tout petit peu ce scénario, Damien Siès. Vous en avez d'ailleurs fait plusieurs, on parle évidemment plus facilement de celui qui est le plus extrémiste, on va dire, hein, avec 100% d'énergie verte, mais vous avez envisagé d'autres cas de figure, d'autres mix énergétiques, comme on dit. Oui, il y a une quinzaine de variantes au total. Peut-être déjà ce que je peux dire, juste en réaction à ce qui a été dit précédemment, on n'a pas regardé que la France. Hein, c'est-à-dire dans tous les scénarios, on a considéré des pays voisins avec des mix 80% renouvelables, donc avec encore éventuellement un potentiel de fossiles, mais en tout cas sans se dire que ça ne marcherait que si les pays voisins ne développaient pas les renouvelables. Donc il y a quand même une cohérence d'ensemble qui est regardée, même si on peut progresser dans le côté international de ces études-là. Après, oui, une quinzaine de variantes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, personne n'a de boule de cristal permettant de dire avec certitude c'est cet avenir qui va se passer, c'est cette technologie qui sera à tel coup, et qu'on a besoin de regarder la sensibilité des résultats à un certain nombre d'hypothèses. Alors typiquement, il y a des variantes, vous en avez parlé, où le paramètre qui varie, c'est le taux d'ENR. Donc on va comparer un cas 100% renouvelable à un cas 95%, à un cas 80% et à un cas 40%. pour voir ce que ça coûte en relatif et essayer de sentir le poids des derniers pourcents. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ces derniers pourcents coûtent très cher ou est-ce que c'est à des coûts acceptables? Et ensuite, au sein même des cas 100% et 80%, un certain nombre de variantes sur la taille des gisements disponibles, sur les coûts des technologies, sur des hypothèses sur effectivement le niveau de consommation. Si on n'arrive pas à faire suffisamment d'économies d'énergie, ça rend beaucoup plus difficile l'atteinte d'un scénario 100% renouvelable. Donc il y a effectivement un jeu de variantes. Et c'est ça qui est presque le plus intéressant, parce qu'aucun ne peut être considéré comme la vérité. Il s'agit de regarder qu'est-ce qui va avoir le plus de poids. Et du coup, ça peut donner des indications sur ce qu'il faut faire en priorité. Et en priorité, il y a notamment, quand on parle de pourcentage de renouvelables, un pourcentage c'est un numérateur sur un dénominateur, l'essentiel est de travailler sur le dénominateur, c'est-à-dire sur notre niveau de demande d'énergie. Je crois qu'il faut préciser que ce scénario à 100%, c'est avec 50% de production en moins, de consommation. Non, pas tant que ça, mais en tout cas, on s'est appuyé. Alors, un deuxième point qui est important aussi de voir, on s'est appuyé sur un exercice prospectif antérieur qu'on avait mené en 2012 pour le mettre là aussi sur la table du débat national sur la transition énergétique, qui était des visions énergétiques à 2030 et à 2050. Et qui était une vision d'ensemble. Parce que comme ça a été dit très, très justement par Valérie Faudon, il faut pas regarder que l'électricité. Il faut regarder l'ensemble, les consommations d'énergie. Il y en a dans les transports, il y en a dans la chaleur. Et donc, cet exercice-là ne regarde celui-ci qu'on vient de publier techniquement que la question de la stabilité du système électrique quand on y met beaucoup de renouvelables. Mais par ailleurs, les niveaux de demande d'énergie et les niveaux d'efforts relatifs entre décarboner l'énergie, décarboner les transports, décarboner la chaleur, sont issus d'une vision d'ensemble générale auquel l'ADEME est particulièrement attachée et qui sont d'ailleurs rappelés dans l'édito du président de l'ADEME qui a introduit cette étude. Alors, la question qui se pose et qui est le sujet de notre émission, c'est de savoir si le nucléaire, qui d'ailleurs, j'ai remarqué, je crois avoir vérifié d'ailleurs, que le mot nucléaire n'est jamais prononcé dans votre rapport, si je me trompe ou pas. Il est prononcé au sens où quand on regarde des cas 40 ou 80% renouvelables, le reste de la génération d'électricité sera une filière thermique non renouvelable avec du gaz et du nucléaire. Donc on en parle. Mais vous avez raison, la question qu'on s'est posée, c'est ENR et fonctionnement du système électrique. Et pour mieux le voir, on a pris une hypothèse à 100%. C'est une espèce d'effet miroir grossissant ou de microscope. Vous voyez mieux les effets si vous vous mettez vraiment à 100% au bout du système, plutôt que si vous vous mettez à 42, qui est juste au-delà des objectifs de la loi de transition énergétique. Donc on a regardé 100%, mais notre sujet principal et les compétences de l'ADEME, les compétences que l'État lui a confiées en un établissement public, c'est la maîtrise de l'énergie et le développement des renouvelables. C'est pas s'il y a 100% de quelque chose, c'est quoi les 0% d'autres. Ça, c'est pas notre sujet. Très bien. Quand même, peut-être un autre petit tour de table sur le réalisme de ce scénario. Est-ce que il vous paraît purement utopique? Est-ce qu'il a une chance d'être pas forcément réalisé, mais au moins de stimuler quelque chose qui va dans ce sens-là? Valérie Faudon. Bon, je voudrais rappeler un petit peu les objectifs de 2050 fixés par le GIEC et où on en est aujourd'hui. Donc au niveau mondial, on doit avoir 80% de l'électricité produite dans le monde en 2050 qui soit à partir de sources bas carbone. Aujourd'hui, on est à 30%. Ça veut dire que 70% de l'électricité mondiale vient des énergies fossiles fortement émettrices de gaz carbonique, donc de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'en 35 ans, on doit basculer le mix électrique mondial de manière absolument considérable, sachant qu'il n'a pas évolué depuis les 40 dernières années. Donc c'est vraiment un challenge en taille, d'autant plus important que dans le même temps, malgré tous les progrès d'efficacité énergétique, la demande mondiale d'électricité va doubler. Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde, plus 1 milliard qui n'ont pas l'accès à l'électricité de manière fiable. Donc c'est un enjeu considérable. D'où le fait qu'on a besoin de toutes les énergies bas carbone. Et les énergies bas carbone listées par le GIEC, il y a les renouvelables, le nucléaire, ainsi que les systèmes avec séquestration de carbone. Voilà. Donc on a besoin de toutes ces énergies-là. Le scénario le plus probable aujourd'hui qui a été donné par l'Agence internationale de l'énergie pour 2050, c'est un scénario qui met le nucléaire à peu près à 18% de la production mondiale d'électricité, ce qui représente à peu près un doublement de la capacité nucléaire mondiale. Voilà, aujourd'hui le nucléaire c'est à peu près 11%, 11,5% de la production mondiale d'électricité, plutôt en baisse ces dernières années. Alors il y a eu une baisse en effet à cause de l'arrêt provisoire des centrales japonaises qui commence à redémarrer. Le Japon, dans sa proposition pour la conférence de Paris, a proposé un scénario avec 20% de nucléaire. Il faut savoir aussi que les Chinois ont annoncé cette semaine les premiers éléments de leur prochain plan quinquennal avec la construction de 100 nouvelles centrales nucléaires. En 2050, ils devraient représenter à peu près le tiers du parc mondial. Mathieu Glachan, quelle impression sur le réalisme d'un scénario à 100% de renouvelables ? Je ne pense pas que la qualité première de cet exercice soit le réalisme. C'est un exercice qui est d'abord intellectuel, je pense. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette idée que la solution viendra d'une diversité. Et de ce point de vue-là, la situation actuelle française avec 75% de nucléaire n'est pas tout à fait favorable. Mais à 75% de nucléaire aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment on peut faire dans des conditions raisonnables une disparition, un passage à 100% de renouvelables et une disparition du nucléaire. Donc non, je ne trouve pas que ce scénario soit réaliste, mais il est intéressant pour montrer les implications de progresser fortement dans ce domaine. En même temps, l'Allemagne, elle, s'est fixée comme objectif de sortir du nucléaire d'ici 2022, donc bien avant 2050. Oui, mais l'Allemagne, c'est 25% du mix au départ nucléaire. Mmh. Et donc, ils veulent passer de 25% à 0%. Et la loi de transition énergétique nous prévoit un objectif qui est similaire, puisqu'on passerait de 75% à 50%. Mmh. Donc, on parle souvent de l'Allemagne pour dire il y a une révolution énergétique en cours en Allemagne. Il y a une transition énergétique en Allemagne et nous allons vivre une transition peut-être de même ampleur. Alors, la question est vraiment de savoir si le fait que nous disposons d'autant d'énergie nucléaire est un handicap pour le développement des énergies renouvelables. Et c'est un petit peu ça qui est vraiment la difficulté, la particularité française. Personne n'a une part du nucléaire aussi importante. Jean-François Gruson. Alors, c'est disons, d'un point de vue purement économique, on peut dire, en effet, on a des infrastructures existantes. Elles ont des durées de vie qui sont définies dans le cadre des contrats avec l'Agence de sûreté nucléaire française. Donc à partir de là, cet investissement-là, on va dire, il est amorti. Donc il a des coûts de production du kilowattheure qui sont relativement favorables. Ce qui est plus difficile pour le nucléaire, c'est de trouver une compétitivité pour de nouveaux centrales. Mais pour les centrales existantes, c'est vrai qu'elles sont là. Donc une certaine logique économique voudrait que le développement des ENR se fasse un petit peu, à la fois pour répondre aux accroissements de demande, mais si on a des efforts très forts sur la demande, on n'aura pas nécessairement un accroissement de la demande qui viendra appuyer. Les objectifs, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, exactement. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose de réduire la consommation. Et je dirais la mise au rebut, d'une façon un petit peu brutale, des centrales nucléaires au fur et à mesure de l'avancée du temps et de l'amortissement de ces centrales. Donc on peut imaginer une progression relativement, je dirais, programmable d'ailleurs, hein, de énergies renouvelables en remplacement du nucléaire qui vient en fin de vie, etc. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors on reviendra, j'imagine, à l'occasion sur la question de la fermeture de Fessenheim, qui peut être un signal important. Déjà, Valérie Faudon veut intervenir. Oui, je voulais rappeler que historiquement, la raison pour laquelle le taux de nucléaire est élevé en France, c'est parce qu'on n'avait pas de charbon et pas de gaz. Donc si on prend en effet nos voisins européens, ils ont moins de nucléaire parce qu'ils ont du charbon. Donc l'Allemagne, c'est 40%, dont la moitié de lignite, qui est une énergie extrêmement polluante. Et puis l'Angleterre, évidemment, qui avait des ressources gazières. Donc c'était un désavantage au départ pour nous, hein, puisque en 1970, on avait 70% d'électricité qui était produite à partir d'énergie fossile. Et puis on en a fait un atout, hein, qui aujourd'hui, pourquoi on a ce taux de nucléaire élevé. Mais Je voulais réagir parce que vous disiez qu'on avait un taux de renouvelables bas. En fait, pas du tout, puisqu'on a aussi énormément d'hydroélectricité en France. Hein, et c'est ce qui fait qu'on est à 95% décarboné. Hein. On est à 75% nucléaire et 20% d'hydro. Donc on a un taux d'énergie renouvelable tout à fait similaire à nos voisins européens. Et enfin, je voudrais faire donc un dernier commentaire sur l'Allemagne, hein, qui est souvent montré comme exemple, mais l'Allemagne a toujours 40% de charbon. Donc au lieu de substituer les énergies renouvelables au charbon, ce qui aurait été bien d'un point de vue environnemental, ils substituent aujourd'hui le renouvelable au nucléaire, qui est une sorte de cannibalisation d'énergies qui sont bonnes pour le climat. Et donc aujourd'hui, un Allemand émet deux fois plus de CO2 qu'un Français. Alors c'est ça aussi qui est particulier en France, c'est que c'est la présence de l'hydraulique est importante et qui est classée effectivement dans les énergies renouvelables et qui donne ce chiffre de 20% à peu près, mais un peu moins quand même, hein, je crois. J'additionne le solaire et le... Oui, mais même, alors la question c'est que le solaire et l'éolien, eux ont une part extrêmement faible, autour de 4% pour la somme des deux. Et dans le scénario à 100% d'énergie verte en 2050, là on bondit à 69% d'éolien, ce qui nous paraît complètement impensable aujourd'hui, Damien Siès. Alors, c'est effectivement, là, ça revient sur la question du scénario central et des différentes variantes. Il faut voir que la façon dont on a fonctionné, on a donné un certain nombre d'hypothèses, un modèle d'optimisation économique qui nous dit voilà ce qui serait l'optimum d'un point de vue coût total pour la collectivité. Et aujourd'hui, et donc probablement encore demain, l'éolien terrestre sera une des filières renouvelables les moins chères. Et donc assez naturellement, le système dit vous pouvez vous reposer beaucoup sur l'éolien. Pas à 100% parce que malgré tout, il faut aussi combiner avec d'autres énergies, même si elles sont plus chères, pour avoir une diversité des productions. Et là-dessus, je relâche tout à fait ce qui a été dit au sens où il faut avoir un mix diversifié. Mais 100% renouvelable, c'est diversifié. C'est pas une seule technologie, ce sont des familles très nombreuses et à profil de production très différents. Après, dans les autres variantes qui sont testées, si par exemple on suppose que finalement il y a des gisements de vent dans lesquels on n'arrivera pas, pour différentes raisons, à implanter des parcs éoliens, dans ces cas-là, il y a d'autres solutions, moins optimum d'un point de vue économique global, mais qui peut être ce que politiquement, collectivement, on choisit comme voie à suivre, avec moins d'éolien, plus de photovoltaïque, plus d'énergie marine. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une façon robuste, en fait, il y a différentes façons de répondre à la demande, avec 100% de renouvelables. France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti. Eh bien, nous débattons aujourd'hui de la question « Le nucléaire est-il compatible avec les énergies renouvelables ?» avec nos invités, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, Mathieu Glachan, directeur du Centre d'économie industrielle, le CERNA, Jean-François Gruzon, directeur expert à l'IFP Énergie Nouvelle, et Damien Siès, directeur adjoint du service production et énergie de l'ADEME. Mathieu Glachan, cette perspective de 100% qui vous paraît quand même relever donc plus de l'exercice intellectuel que de la prospective, aboutit à des coûts de l'électricité en France qui ne seraient pas très supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît réaliste, que c'est souvent une des choses que l'on reproche aux énergies renouvelables, d'être plus cher et de revenir plus cher, puis alors avec d'autres défauts, hein, comme l'intermittence. Mais on souligne souvent ce problème de coût. Comment vous voyez l'évolution des ressources mobilisées pour produire de l'électricité en matière de coût? D'abord, en matière de prospective de coût, je pense qu'il faut être extrêmement modeste. Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, le prix du panneau photovoltaïque coûtait 5 fois plus cher et je ne vous aurais jamais dit qu'il allait être divisé par 5. Il y a 5 ans, on n'avait pas non plus la même idée de la durée du chantier de construction du nouveau nucléaire, de l'EPR de Flamanville. Donc je pense que là-dessus, il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on peut dire des coûts à 2050. Après, il y a la dynamique. Je pense qu'il y a un consensus pour dire que le coût du nucléaire, qui aujourd'hui est bas en France, parce qu'effectivement, on utilise des capacités installées qui sont largement amorties, va augmenter. Le coût du nucléaire va augmenter. Le nouveau nucléaire coûtera beaucoup plus cher. On peut aussi supposer que le prix du renouvelable va diminuer, va sans doute nettement diminuer pour certaines technologies, beaucoup moins pour d'autres. Je pense que sur l'éolien terrestre, on commence un peu à être sur une asymptote. Sur le photovoltaïque, il y a encore beaucoup, il y a encore des marges de progression, non plus tellement au niveau des panneaux eux-mêmes, mais des systèmes qui, ce qu'on appelle les BOS, les systèmes autour des panneaux. Il faut attendre aussi beaucoup de baisses de coûts dans les technologies de stockage de l'électricité, qui sont des technologies extrêmement complémentaires avec le déploiement des renouvelables. Donc ça va baisser. Alors là, quant à dire quel sera le coût relatif du nucléaire, du nouveau nucléaire, ou du photovoltaïque, de l'éolien terrestre ou offshore en 2050, je ne peux pas répondre à cette question. Valérie Fraudon, le nucléaire semble effectivement un atout pour la France. En même temps, comme vient de le dire Mathieu Glachan, il a plutôt tendance à avoir un coût qui va augmenter. On voit que les nouvelles générations de réacteurs, comme le PA, posent de nombreux problèmes. Comment vous analysez cette situation, cette perspective de développement ou de maintien du nucléaire en France? C'est difficile, en effet, d'évaluer les coûts du nouveau nucléaire, puisqu'actuellement, sur les deux EPR en construction en Europe, on est sur des prototypes, des têtes de série, donc on ne sait pas encore combien ça va coûter quand on les produira en nombre important. Mais il y a aussi, au-delà des réacteurs EPR, il y a aussi toutes des perspectives de développement de nouveaux réacteurs d'ici 2050, puisque c'est les 70 ans du CEA. Il y a dans les cartons du CEA les réacteurs nucléaires de demain, qui sont beaucoup plus économes en termes de ressources uranium et qui permettent aussi une meilleure gestion des déchets. Donc il y a aussi des perspectives vis-à-vis du nucléaire, à la fois dans sa compétitivité par rapport aux autres énergie, et puis aussi par rapport aux questions environnementales. Je voudrais quand même signaler qu'il y a eu un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie qui date du mois de septembre, une analyse sur 22 pays qui disait que le nucléaire était compétitif tout à fait par rapport aux énergies qu'il souhaite déplacer, parce que le nucléaire ne cherche pas à être en compétition contre les renouvelables. Le nucléaire a vocation à remplacer principalement le charbon, et qu'il est dans ces 22 pays tout à fait compétitif vis-à-vis du charbon. Et de gaz d'ailleurs, sans compter qu'on ne prend pas en compte, je dirais, ce qu'on appellerait en langage économique les externalités positives, c'est-à-dire qu'il n'émet pas de CO2 et ça, c'est pas pris en compte. Et puis aussi, il n'émet pas de pollution de l'air. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque vous savez que le charbon rejette énormément dans l'air de particules fines. Et une des motivations des Chinois pour développer le nucléaire, c'est aussi la lutte contre la pollution atmosphérique. Jean-François Grison. Oui, je pense qu'en effet, il ne faut pas systématiquement chercher à opposer nucléaire et énergie renouvelable, c'est vrai. Mais je ne vois pas comment on peut ne pas le faire en France, puisqu'on a quand même des taux extrêmement faibles de solaire et d'éolien par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc on est fatalement conduit à se la poser la question. On ne peut pas gommer un historique. Donc on a des infrastructures existantes, elles sont là. C'est cet historique qui peut poser la question. Cet historique... on peut décider, par exemple, comme le fait l'Allemagne, mais dans des proportions finalement plus réduites et avec probablement moins d'enjeux industriels, de passer de façon un peu en forçant les arrêts des centrales. Donc ça, c'est un peu la décision allemande. En France, pour l'instant, on n'est pas dans une décision de mettre de côté un certain nombre d'infrastructures et d'investissements qui sont existantes et qui répondent malgré tout et qui répondent quand même à l'objectif principal qui est la décarbonation de la production d'électricité. Donc il faut quand même voir ce point-là qui est quand même un point essentiel. Après, on va donc avoir probablement en France, je dirais, un rééquilibrage qui va se faire. On peut penser que les actions des pouvoirs publics via la PPE, les programmations pluriannuelles énergie qui sont prévues dans la loi de la transition énergétique vont accompagner cette espèce de transition vers un rééquilibrage entre la part du nucléaire, indépendamment du chiffre de 50% qui est proposé dans la loi, et des énergies renouvelables. Voilà. Alors, quel sera l'optimum, quel sera le point d'arrivée à l'horizon 2040-2050? Je suis d'accord avec Mathieu Glachan. Vu les incertitudes qu'il y a quand même sur la vision des coûts réels et des coûts complets à ces horizons-là, bon, on a quand même un certain nombre de points incertains. Est-ce que, par ailleurs, parallèlement à toutes ces considérations à la fois techniques et économiques, il n'y a pas un problème aussi plus psychologique en France, Damien Sieste, sur le nucléaire qui finalement fait quand même consensus quand on regarde l'évolution des sondages depuis 2011. Alors il y a eu effectivement juste après 2011 un petit moment de flottement dans l'opinion qui a trouvé que peut-être le nucléaire posait problème, mais très vite l'opinion s'est reconstituée, enfin du moins l'opinion positive, et aujourd'hui on arrive à des taux de Français, un des sondages par exemple de septembre 2013, 67% des Français sont favorables à la production d'énergie par des centrales nucléaires, ce qui quand même est un taux très important, si on le considère que 32% seulement y sont opposés en juillet 2014. En revanche, en juillet 2014, un sondage IFOP montrait que 2 Français sur 3 considèrent que le nucléaire est un sujet tabou. Donc on voit que c'est quand même, il y a un problème peut-être un peu psychologique en France, Damien Sciès. Je pense effectivement que la question qui se pose, elle est plutôt autour de la psychologie et autour du débat. C'est-à-dire que vous demandiez tout à l'heure, est-ce que le nucléaire est un frein au développement des ENR? Techniquement, non. On a des filières ENR qui se développent bien. Le PV se développe plus vite que tout ce qu'on avait prévu, en partie grâce à la baisse de coûts qui a été très forte. Le photovoltaïque, donc le PV dont vous parlez, oui. C'est 1,1 et quelques pourcents aujourd'hui de la production d'électricité en France. Oui, mais ça décolle. En fait, on est déjà aujourd'hui aux objectifs de 2020. L'éolien est un peu plus en retard, on a un peu plus de freins administratifs, etc. Mais tout ça n'est pas lié techniquement à la question du nucléaire. Par contre, dans le débat... Techniquement, voilà. Dans le débat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur l'énergie qui sont ou phagocytés ou qui vont pas sur l'ensemble des sujets pour le nucléaire. Alors après, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas du tout de raison de les opposer. Il est vrai qu'il y a une situation différente en France et dans le monde. Alors on l'entend bien dans ce que disait tout à l'heure Valérie Faudon, dans le monde nucléaire versus charbon. Mais en France, vu qu'il n'y a pas de charbon, si on dit que les ENR vont augmenter dans l'électricité notamment, c'est bien que la part du nucléaire baisserait. Donc, il y a quelque part une forme d'opposition en termes de part totale, même si en fait, on peut tout à fait le régler dans le temps. Le scénario sur lequel on s'exprime ne pose pas, absolument pas la question des centrales actuelles, des capitaux déjà rentabilisés. Mais c'est vrai, dans le débat, par moment, il peut y avoir des crispations qui... Alors, je trouve que ça évolue. Je trouve que ça évolue. On a quand même de plus en plus souvent des débats toute énergie. On parle électricité, on n'oublie pas de parler de transport, on n'oublie pas de parler de chaleur. Mais c'est encore fréquent qu'on ait des espèces d'opposition de chapelle sur des sujets où il n'y aurait pas lieu d'avoir d'opposition. Votre rapport a mis un certain nombre de mois à sortir officiellement. Pour quelle raison ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. L'ADEME, quand on sort des choses, quand on sort des rapports, on met tout sur la table. C'est notre vocation, on est un établissement public, les études qu'on finance, on les finance avec de l'argent public, et donc à la fin, tout est mis sur la table. Les résultats et toutes les hypothèses qu'il y a dedans, pour effectivement laisser le temps, ça a été dit par Jean-François Gruseau, à différents experts, de regarder, d'ouvrir le capot. Et donc, le fait de faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit vraiment impeccable au moment où on le sort. Et en avril dernier, là où on avait prévu que ça doive sortir, on s'est dit que c'était pas encore impeccable. Alors si ça avait pas encore été impeccable sur un sujet moins polémique, peut-être qu'on l'aurait sorti. Mais sur un sujet qui attire comme ça effectivement des débats parfois tendus, on s'est dit qu'il faut être encore meilleur que d'habitude, prenons 6 mois de plus et tirons des trajectoires supplémentaires, des hypothèses supplémentaires pour arriver à un résultat vraiment parfaitement robuste. En même temps, ce délai vous a privé d'une parution au moment du débat sur la transition énergétique, ce qui aurait quand même été une actualité souhaitable. Mais c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que là, la loi de transition énergétique nous donne des objectifs à 2030 qui nous semblent, est déjà très ambitieux. Et on est d'ailleurs assez proche de ce que l'ADEME avait publié il y a 2 ans sur la partie vision 2030. Pour l'électricité, 40% de renouvelables en 2030. De toute façon, vu effectivement les questions qui se posent quand on veut faire de la prospective très long terme de type 2050, il faut pas décider en 2015 ce qu'on veut faire en 2050 en disant on ne sortira pas de cette voie-là, il y aura des jalons. Donc déjà atteignons le jalon 2030, voyons où on en est. En 2030, on verra beaucoup plus clair sur les coûts de certaines technologies, certaines qui auront, entre guillemets, gagné, qui auront baissé beaucoup plus vite, d'autres peut-être pas. Et on pourra choisir le prochain jalon intermédiaire à 60, à 75, à 80, et ainsi de suite, d'étape en étape. Donc là aussi, notre étude, au moment où elle devait sortir en avril, a été un peu phagocytée par la question du débat national, mais de toute façon, c'était pas le sujet. Nous, on est vraiment d'en préparer l'après-demain. Jean-François Grison. Oui, je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des horizons de temporels qui sont différents. Là, on est sur un exercice 2050, il y a des choses qui vont s'arrêter en 2030, et entre 2030 et 2050, on aura le temps de voir un petit peu. La question surtout très importante, c'est de s'assurer que par rapport aux objectifs qui sont nos objectifs, c'est-à-dire des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, on est sur une trajectoire et on surveille qu'on est sur une trajectoire qui est compatible. Finalement, la solution n'est pas de choisir une solution ou une autre solution, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de s'assurer qu'on est bien sur la trajectoire. Donc sur la trajectoire des diminutions de la demande, parce que si on n'a pas la diminution de la demande, de toute façon, on aura des contraintes sur la production. Si on n'est pas bien sur la demande, eh ben les scénarios qu'on fait aujourd'hui sur la base d'une diminution de la demande de production de consommation d'électricité de 40%, on pourra pas les tenir de la même manière. Voilà, je pense que c'est ça qui est très important. Mathieu Glachan, si cette demande, si cette cet objectif de réduction de la consommation d'électricité en France est tenu, il va y avoir un problème peut-être de surcapacité nucléaire, puisque le nucléaire, lui, a tendance à ne pas fluctuer beaucoup. Contrairement aux énergies renouvelables, d'ailleurs, par ailleurs, aux énergies du style éolien ou solaire. Comment vous voyez-vous cette compatibilité entre une réduction très forte de la consommation en France et le maintien d'un parc nucléaire, du parc nucléaire actuel ? Le parc nucléaire vieillit, donc on va avoir des fermetures de centrales. Bon, il y a celle qui est politiquement prévu à Fessenheim, mais quelque part, d'autres centrales vont aussi fermer dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Et donc l'ajustement va pouvoir se faire, de mon point de vue. Il n'y a pas de problème majeur de ce point de vue-là. Donc ça veut dire aussi, il y a dans la loi de transition énergétique un plafonnement de la puissance installée. Hein, c'est-à-dire que, en gros, d'après ce qu'a prévu le gouvernement, il n'y aura pas d'augmentation de la capacité nucléaire en France. Valérie Faudon, comment vous voyez-vous cet avenir du nucléaire en France ? Comment va-t-il évoluer ? Est-ce que vous pensez que la centrale de Fessenheim va fermer à la date prévue, c'est-à-dire 2017-18 ? Oui, donc je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur l'attachement des Français au nucléaire. Hein. Mmh. Pour rappeler quelques chiffres, c'est que c'est notre troisième filière industrielle. En France, derrière l'aéronautique et l'automobile, il y a 200 000 emplois. Et les Français sont fiers de cette filière. Hein. Ils savent qu'on a, d'abord, c'est une filière à haute qualification. On sait qu'on a parlé du CEA, que c'est un des meilleurs centres de recherche du monde sur l'énergie nucléaire. Donc les Français le savent, en sont fiers. Ils aiment aussi les énergies renouvelables. Hein. Quand on leur demande, ils les aiment aussi. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas prêts, en fait, aujourd'hui, à payer plus cher pour avoir des énergies renouvelables. Donc le sujet, la question du diversité du mix en France, bon, d'abord, aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens parce qu'on est dans un mix européen, donc on est interconnecté, surtout la France, de manière très expansive vis-à-vis de tous les pays, tous nos voisins. Mais aussi, la question qui se pose, c'est pourquoi, alors qu'on a ce socle d'énergie nucléaire pas cher, puisqu'aujourd'hui, un Français paye 30% moins cher qu'un Européen son électricité, pourquoi se hâter ? Pourquoi ne pas attendre la montée naturelle en compétitivité des énergies renouvelables ? Et aussi, quel sera le rôle du nucléaire français à terme dans l'équilibre européen ? Puisque, bon, je pense qu'on vient y venir, le nucléaire apporte un socle qui permet aussi aux énergies renouvelables de se développer dans les équilibres du réseau électrique. Je repose un peu ma question. Est-ce que vous pensez souhaitable que Fessenheim, la centrale de Fessenheim, soit fermée ? En fait, je ne comprends pas pourquoi on fermerait Fessenheim. On sait, on a eu un rapport parlementaire là-dessus, que ça coûterait 5 milliards d'euros. On sait aussi, l'autorité de sûreté française, qui est une des plus exigeantes du monde, voire la plus exigeante, a dit que la centrale était sûre. Ils ont demandé des travaux importants, 500 millions, je crois, d'euros. Alors, non, il y a eu une rénovation de la centrale avec des changements de gros composants, plus des travaux demandés par l'autorité de sûreté qui ont été faits. Donc on a une centrale qui produit aujourd'hui, qui fait vivre 5000 personnes, qui produit d'électricité pas chère et en plus sans CO2 parce que Fessenheim produit à 10 grammes de CO2 par kilowattheure et de l'autre côté de la frontière, on approche les 500 grammes, donc, puisqu'on a du charbon. Hein. Donc c'est pour nous un atout au cœur de l'Europe de production d'énergie décarbonée Donc on ne comprend pas très bien. Ces 5 milliards, je pense qu'il faudrait mieux les investir dans les fonds chaleur de l'ADEME pour rénover les logements ou pour diminuer les consommations d'énergie fossile dans les bâtiments ou les transports. Alors, c'est tout à fait le portrait de la situation qui est intéressant, parce que là, on se demande vraiment comment, en conservant le nucléaire, pour toutes les bonnes raisons que vient d'énumérer Valérie Faudon, et en développant les énergies renouvelables, donc le parc éolien, le solaire, etc., et comment on va avoir cette augmentation, d'une certaine façon, de la production d'électricité, puisque si on ne ferme pas de centrales et qu'on augmente les autres énergies, on aura plus d'électricité, alors qu'en même temps, on cherche à réduire la consommation. Donc je vois pas trop comment les choses peuvent se passer, Damien Siès. Vous avez bien posé la question. Il y a deux choses. Premièrement, quel sera le niveau de consommation. Donc, il y a des hypothèses qui sont faites. Il y a des objectifs de baisse. Après, il faut être capable de faire face à éventuellement une augmentation si on n'arrive pas à tout mettre en place dans le bâtiment, etc. Il y a des objectifs de hausse des renouvelables. Ce sera probablement, d'ailleurs, moi, je pense, plus facile à atteindre que les objectifs de baisse d'économie d'énergie. Parce que les renouvelables deviennent de plus en plus rentables. Aujourd'hui, une centrale, on a des offres de centrales PV photovoltaïques qui répondent aux appels d'offres de la CRE à 70 euros du mégawattheure. L'appel d'offres de De la commission de régulation de l'énergie. 70 euros du mégawattheure, c'est pas les prix que demande, par exemple, un EPR pour tourner en Angleterre. Le prix actuel est combien ? Là, pour ça dépend. L'éolien, pour l'instant, les tarifs sont à 80. Il y a encore 2 ans, on aurait estimé le prix du PV au sol à 120, 130. Là, il y a déjà des offres à 70. Nous, en 2050, on l'a supposé à 60. Vous voyez qu'on sera peut-être très vite dépassé. Mais je reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure sur il y aura certainement des bonnes surprises et des mauvaises surprises, des filières moins chères que ce qu'on pense et d'autres plus chères. Donc voilà, si effectivement on a moins de demandes d'électricité pour des bonnes raisons, il ne faut pas que ce soit pour des mauvaises raisons comme la précarité énergétique, etc. Et si on a du renouvelable, forcément la capacité nucléaire baissera. Il faut arriver à l'anticiper pour le bien de tout le monde, y compris socialement, les emplois, etc. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question, le nucléaire est-il compatible avec les énergies renouvelables ? Avec nos invités, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, Mathieu Glachan, directeur du Centre d'économie industrielle, le CERNA, Jean-François Gruson, directeur expert à IFP Énergie Nouvelle, et Damien Siès, directeur adjoint du service production énergie de l'ADEME. Mathieu Glachan, quelle réaction à ce petit paradoxe où on a l'impression que finalement le nucléaire sera difficile à réduire et où on veut parallèlement augmenter la production des énergies renouvelables tout en ayant des objectifs de baisse de la consommation. Écoutez, moi je pense que on peut pas rester avec un nucléaire à 75% du mix. On est certes verrouillé dans ce choix, mais ce choix, moi je le juge, je vais un petit peu taper sur l'éclair, je juge que ça a été un mauvais choix, parce que comme on l'a dit depuis le début de l'émission, ce qui est très très important pour minimiser les risques, c'est d'avoir une diversité des sources. On n'a pas cette diversité, donc moi il me semble important de diminuer la part du nucléaire. Heureusement, le fait que certaines centrales vieillissent va nous donner des opportunités de le faire à des coûts économiques faibles. Mais je suis effectivement aussi très très sensible au fait que attention à ne pas fermer trop trop vite certaines centrales qui, pour l'instant, cet ancien nucléaire produit à des coûts assez faibles. Mais globalement, moi je pense vraiment qu'il faut aller vers une baisse du nucléaire. Jean-François Gruson. Je suis tout à fait d'accord en fait avec Mathieu Glachan. Pourquoi se passer d'une énergie aujourd'hui présente et qui produit dans des conditions de sûreté, à supposer qu'elles sont bien bien garanties, hein. Là, on peut faire confiance quand même aujourd'hui à l'ASN, à l'Agence de sûreté nucléaire. Je pense qu'en effet, on a la possibilité, compte tenu de la durée de vie des centrales, de mettre en place une programmation sur les 10 à 20 ans à venir qui va permettre de laisser de la place assez naturellement à tout un tas de volets de projets ENR. Donc je pense que ça, c'est tout à fait positif. Par ailleurs, je pense qu'il y a, on a parlé donc du risque par rapport à la diversité. Je pense qu'aussi, on avait une bonne structure industrielle autour du nucléaire. Donc, son avenir va dépendre beaucoup de ce qui se passe au niveau international. Hein. Finalement, pas tellement au niveau franco-français en termes de quantité de réacteurs nucléaires. Donc, si il y a un développement au niveau international et que la filière française peut trouver sa place, ben, ça sera très bien pour la filière industrielle française. Mais maintenant, il faut pas non plus perdre de vue que il y a aussi une filière industrielle potentielle dans les énergies nouvelles et renouvelables. Et si on est très en de ça ou très en retrait par rapport au développement dans d'autres régions du monde, on sera forcément un peu handicapé pour cette filière industrielle de moyen et long terme. Valérie Faudon, oui, vous vouliez parler, prendre la parole. Moi, je pense qu'il faut rester flexible. On l'a dit tout à l'heure. Enfin, là, dans la situation actuelle, c'est le contraire absolu de la flexibilité. C'est pour ça que c'est important que vous nous expliquiez comment on va devenir flexible. Pourquoi il faut rester flexible? C'est parce qu'en fait, on n'a jamais prévu les aléas énergétiques. Quand on regarde depuis le début des années 70, on n'a pas prévu le choc pétrolier. On n'a pas prévu l'arrivée du gaz de schiste aux États-Unis au début des années 2000. On n'a même pas prévu la baisse du prix du pétrole qui s'est produite récemment. Donc je pense qu'il ne faut pas commencer à se dire on va fermer telle centrale à telle date, etc. parce qu'on n'a pas besoin. Je pense qu'il faut rester extrêmement humble. On a la chance d'avoir ces centrales qui fonctionnent, qui sont sûres et qui fonctionnent pas cher. Donc c'est justement, ça nous permet de rester flexible dans l'avenir. C'est parce qu'on sait qu'on peut compter sur elles. C'est un peu le socle. L'autre point aussi que je voulais dire, parce qu'on parle de diversité du mix électrique, pour moi, la diversité du mix au niveau français, en fait, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on est dans l'Union européenne de l'énergie. Au niveau européen, on a un équilibre parfait aujourd'hui, hein, puisqu'en gros, on a un quart de nucléaire, un quart de renouvelable, un quart de gaz, un quart de charbon. L'enjeu pour l'Europe, c'est d'arriver à peu près à 80% de bas carbone en 2050. Et le nucléaire français, il joue un rôle essentiel. D'abord, il est au cœur d'un système énergétique, hein, entre les Allemands, les Suisses, les Italiens. Vous voyez, je regardais hier, on a quand même aidé nos voisins dans tous les pays. Hein. On a exporté vers l'Angleterre, on a exporté vers les Italiens, etc. Donc, on joue un rôle de stabilisation du système énergétique au niveau européen. On permet le développement des renouvelables, hein, puisque justement on produit 24 heures sur 24, indépendamment des conditions à la fois de pluviométrie sur l'hydro, d'ensoleillement ou de vent. Donc on a besoin du nucléaire français pour l'avenir. Donc au-delà de la France, c'est ça que vous soulignez. Ouais. En même temps, la situation française, elle, reste relativement bloquée. Je suis désolé, tant qu'une centrale, au moins une, n'aura pas été fermée, on a l'impression que rien ne change. Et que, de ce fait, la part laissée, et je crois que c'est vous, Jean-François Gruson, qui parliez de laisser la place aux énergies renouvelables, c'est un petit peu ça, Damien Sieyès, ce qui se passe. C'est comment le nucléaire va-t-il laisser un peu de place, sans fermer de centrale, puisque c'est quelque chose que Valérie Faudon ne souhaite pas. Oui, il faut raisonner effectivement à la fois en statique, la situation actuelle, et en dynamique. En statique, aujourd'hui, on peut dire le nucléaire français fonctionne, et pas cher, et il sert, et il exporte de l'électricité dans les autres pays. Mais en dynamique, en 2050, ça sera peut-être pas l'énergie la moins chère et la meilleure façon pour l'Europe de fonctionner en s'appuyant notamment en partie sur le nucléaire français ou des autres pays. Donc là, il peut y avoir une première différence. De la même façon, en statique, il y a déjà pas mal de renouvelables en France, mais c'est essentiellement de l'hydro qui était déjà là, déjà depuis des décennies. Et qui, elle, va rester stable à l'avenir, probablement. Voilà, et les autres filières se développent, mais pas si vite que ça. Vous trouviez que le PV n'allait pas si vite que ça. Et globalement, c'est pas vraiment mon avis, c'est vraiment les chiffres qui le disent. Oui, si on regarde en pourcentage, en fait, la trajectoire, on a quand même une explosion, mais c'est vrai que le pourcentage de renouvelables en électricité, on est à 20%, dont quelques pourcents d'éolien et de PV. Et or, en dynamique, il faut anticiper. Donc, le bon équilibre entre, pour l'instant, si on développe tout très vite des filières qui sont renouvelables encore plus chères que le nucléaire, historique, je compare pas cette fois le nucléaire de demain, on peut se dire que ça nous coûte trop cher, mais si on attend trop, d'une part demain si, pour différentes raisons, on ferme, le programme nucléaire français était construit en peu de temps, et donc les questions de renouvellement vont également être concentrées sur 10-15 ans. Si toutes peuvent être prolongées, très bien. Si c'est pas le cas, il faudra vite trouver une substitution. Et c'est quand même une des hypothèses, le prolongement de la durée de vie des centrales. Et le deuxième point qui s'anticipe, c'est effectivement la filière industrielle. L'enjeu est d'arriver à avoir aussi de bonnes filières industrielles renouvelables. Et ça passe par un soutien continu et pas de revirement et pas de changement de politique publique sur ces filières-là. Là, il y a d'énormes potentiels. Et typiquement, il y a tous les pays dans le monde qui, eux, si on regarde cette fois la situation mondiale, avec une augmentation de l'électricité, avec effectivement des zones entières, des continents entiers, parfois qui n'ont pas des accès suffisants à l'électricité, il y aura probablement une part de développement de nucléaire, mais la grosse part du gâteau mondial, la très très très grosse part du gâteau, je dirais même, elle est renouvelable. Donc soyons bons là-dessus. Et déjà, même en Chine, qui par ailleurs est le premier producteur mondial de panneaux photovoltaïques, le développement de l'énergie verte est très fort, en parallèle avec les projets dont Valérie Faudon parlait, en termes de nouvelles centrales nucléaires. Moi, j'ai envie de vous poser la question à tous. J'ai déjà la réponse de Valérie Faudon sur la fermeture de Fessenheim, je ne vais pas lui reposer, je ne vais pas insister trop lourdement. Damien Sies, quelle est la vôtre? Est-ce qu'il faut fermer, puisque là, c'est quand même une décision politique qui a été annoncée, désannoncée, réannoncée. Est-ce qu'il faut fermer Fessenheim d'ici la fin du quinquennat de François Hollande? Ça, c'est vraiment en dehors. Je vais vous décevoir, mais c'est vraiment en dehors du sujet du sujet de l'ADEME. On s'exprime absolument pas là-dessus. Nous, on a une mission qui nous est confiée par le gouvernement, qui est de dire faire en sorte, soutenez tous ceux qui font des économies d'énergie et développent le renouvelable. Et dites-nous jusqu'à combien on pourra aller. Et on répond à ces questions-là et on finance de la recherche et on finance des économies d'énergie. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vraiment le droit de répondre à cette question. Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'avis. Mais vous n'avez pas d'avis personnel, mais vous pouvez. Ou alors vous ne pouvez non, pas ça serait l'inverse plutôt. J'ai pas d'avis institutionnel. Éventuellement, j'en ai un personnel, mais pas au nom de l'ADEME. Et alors, quel est votre avis personnel, sans être au nom de l'ADEME? Non, je peux pas vous le donner. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est ce que je craignais un petit peu, Jean-François Gruson. Alors, d'une certaine manière, l'IFP Énergie est aussi un centre de recherche public. Bon, on a moins de contraintes institutionnelles, donc je vais vous donner un avis qui est un avis d'économiste en fait. L'avis de l'économiste, c'est de dire si les conditions d'exploitation de la centrale d'un point de vue technique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sûreté, sont garanties pour une période à définir de 5 ans, 3 justement, ans, ça, ça a l'air 10 ans. Ça a l'air d'être le cas. Et si l'analyse économique fait que cette centrale trouve sa place dans le système européen de production d'électricité, d'un point de vue économique, il n'y a pas de raison de fermer une installation existante qui trouve sa place d'un point de vue économique et qui est sûre du point de vue exploitation opérationnelle. Même pour laisser un peu de place aux énergies renouvelables. C'est pas la centrale de Fessenheim qui est à l'auteur de... Ça serait un début. Alors, on peut le prendre comme un signe politique. Un alors signe là, psychologique c'est bien aussi, pour on a ça, parlé de l'importance de la c'est bien pour ça qu'il y a une décision qui a été prise, en dehors des accords politiques sur lequel je ne ferai aucun commentaire. Mais non plus, ça peut être considéré comme un signal. Mais d'un point de vue purement analyse économique, si les conditions d'exploitation sont sûres, si les conditions économiques sont favorables, il n'y a pas de raison particulière de fermer un site plutôt qu'un autre. Mathieu Glachan. Je partage... tout à fait ce point de vue. C'est en même temps, c'est vous qui avez dit que le mix n'était pas satisfaisant. Donc comment on va changer le mix si on ne ferme aucune centrale nucléaire? C'est toute la question. Après, il faut en sortir le plus élégamment possible. Parlez-nous d'élégance. Si les conditions de sûreté sont assurées, effectivement, il n'y a pas de raison de fermer à court terme ce réacteur, parce qu'on n'a pas besoin de le fermer pour faire de la place aujourd'hui aux énergies renouvelables. Hein. Vous avez vu que le développement des énergies renouvelables, on est à 1% pour le solaire, 3% pour l'éolien. Bon, donc ça, c'est ma réponse de court terme. J'ai pas compris le dernier point. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de fermer Fessenheim pour laisser de la place, mais quelle aujourd'hui, place aujourd'hui. Quelle place a l'énergie? Alors si on peut gagner les 5% de thermique, finalement, c'est là il y a un petit peu de marge. Et encore là, vous faites la moue, Valérie Faudon. Oui, parce qu'on en a besoin pour gérer besoin la aussi. Pointe électrique. Oui, non, mais la vraie question, c'est le nouveau nucléaire, c'est le renouvellement, l'installation, l'investissement dans de nouvelles centrales. C'est là qu'est la vraie question. Donc par exemple, on a fait le choix d'ouvrir un EPR à Flamanville. On aurait pu faire un choix différent. Voilà. Sachant que quand même la puissance installée, elle, est limitée désormais par la loi. et que donc on ne pourra pas augmenter cette puissance. Alors on peut remplacer, en gros, Fessenheim par l'EPR de Flamanville. Et est-ce que c'est une perspective qui vous paraît réaliste, Mathieu Glachan? Quelle est la question, excusez-moi là. Est-ce qu'il est réaliste de remplacer l'électricité qui ne sera plus produite par Fessenheim par Flamanville? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est réaliste? Les tailles de production ne sont pas du tout les mêmes. Mais là, je ne connais pas les détails, mais je pense que la question se pose. J'ai un peu de mal à comprendre la cohérence de votre discours, en fait. Quand vous dites que finalement, il faut changer le mix et qu'en gros, autour de la table, pratiquement tout le monde est contre le fait de fermer une seule centrale, la première de l'histoire de nucléaire en France. La question est de savoir quand on ferme les centrales existantes. Donc moi, de mon point de vue, il ne faudra pas remplacer des centrales que l'on va fermer par de nouvelles centrales. Ça, c'est mon point de vue, et c'est comme ça qu'on doit rétablir, rééquilibrer ce mix électrique français, parce qu'à mon avis, la question ne se pose pas totalement au niveau européen. Si jamais les choses dérapent en France, au niveau des technologies nucléaires, si jamais on a un accident très très sérieux, etc., c'est pas les Allemands qui viendront nous aider à régler le problème. Donc de mon point de vue, la question, il faut réduire la part du nucléaire en évitant de construire de nouvelles centrales. En attendant, attention à ne pas fermer à tort et à travers des centrales qui fonctionnent. Voilà. Très bien. Ce sera quand même difficile si on veut réduire en même temps la consommation d'électricité en France. Mais le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Jean-François Gruson, Valérie Faudon, Mathieu Glachan et Damien Sias d'y avoir participé. Sur le site de Science Publique, vous trouverez un lien avec l'étude de l'ADEME. Et vous pouvez réécouter cette émission pendant 8 jours et la podcaster pendant 1 an. Bien entendu, vous pouvez également nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 30 octobre, vous retrouverez notre émission mensuelle de Science Publique réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie, dont le numéro de novembre est un spécial réchauffement climatique dans la perspective de la COP21. Science et Vie a réalisé un tour de France et régions. Nous ferons un bilan de ce que le magazine a découvert après le train du climat, donc un second tour de France du réchauffement climatique. Science Publique, Dany Journaud, Nicolas Delmas, Marie Dalquier, Michel Alberganti avec France Bleu Isère et merci à Francis Cattel. Nous vous laissons en compagnie des bonnes feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture.